À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous, vous êtes à l'écoute de l'avant-propos d'Apocalypse, avant-propos destiné à vous présenter rapidement l'émission, histoire de savoir où vous allez poser les oreilles. Apocalypse a été fondée en 2009 sur la radio associative du Compiègnois Graphite, et elle a été exclusivement diffusée sur cette radio jusqu'en 2015. Au cours de 2014, j'ai entendu parler du projet Hands Up, et vu tout le potentiel qu'avait ce petit bijou, je me suis rapproché des Two Guys One TV pour savoir si je pouvais apporter quelque chose à l'édifice, et ils m'ont invité à les rejoindre. C'est donc pour ça qu'Apocalypse se retrouve sur Hands Up. Donc rapidement, Apocalypse, c'est une émission d'actualité musicale, c'est-à-dire une sélection de morceaux qui reflètent plus ou moins l'actualité du moment, avec sans doute des exceptions qui viendront en fonction de mon humeur et de ma capacité à suivre au plus près l'actualité musicale. Donc l'émission se basera essentiellement sur mes goûts, parce que je vais pas m'amuser à écouter des choses qui ne me plaisent pas ou à m'intéresser à des groupes qui ne m'intéressent pas. Donc ça sera essentiellement du métal extrême, donc black, grind, death. Une bonne dose de métal lent, de métal lourd, de métal gras avec du stoner, du sludge, du post-core, du tout ce que vous voulez dans ce style-là. Une dose d'indus, un petit peu de thrash, un petit peu d'expérimental ou avant-garde de temps en temps. Même si c'est pas hyper radiophonique et pas hyper accessible, découvrir des choses un peu originales, ça fait toujours du bien. Et par contre, sont absolument bannis tout ce qui est heavy, folk, speed, machin truc, power mes couilles. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tous ces trucs hyper techniques, hyper mélodiques, c'est pas du tout mon style. Donc navré à tous ceux qui sont fans de ça, mais Apocalypse ne sera vraisemblablement pas pour vous, sauf si vous êtes curieux de découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est la formule hebdomadaire d'Apocalypse. Il y aura aussi une formule mensuelle. Formule mensuelle qui s'intéressera à l'histoire d'un style dans un premier temps, puis plus tard éventuellement d'une scène en particulier ou d'un artiste en particulier, une fois que le stock de style sera épuisé. Voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit. En fonction des moyens techniques, il y aura éventuellement, occasionnellement, des invités, des groupes pour présenter leur musique en album, leur goût, etc. ou peut-être d'autres acteurs de la scène métal, à voir selon les possibilités techniques et logistiques de ce genre d'émission spéciale. Je vous tiendrai évidemment au courant si de telles choses arrivent. Voilà, ce petit avant-propos touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne visite sur Hands Up et une bonne écoute des podcasts Apocalypse que vous pouvez trouver dans la liste en dessous. Bonne journée à tous et à très bientôt.